Salut à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode consacré, comme prévu, à Diablo 2. Étant donné que le mois de janvier n'est pas encore fini, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Bon, alors, Diablo 2 est un hack and slash, probablement le hack and slash, pour certains en tout cas. L'archétype du jeu de rôle type porte, monstre, trésor, il a été développé par Blizzard comme son prédécesseur et il est sorti le 29 juin 2000. Je vais vous laisser profiter de l'intro pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance. So, Marius, at last I find you. Tyrael, yes. Yes, now I recognize you. I should have known you'd travel in disguise. They're always watching. I've been searching for you for a long time, Marius. I was rather beginning to think you didn't want to be found. Oh, forgive me, Tyrael, please. It wasn't my fault. Not your fault? Tell me, Marius, how was it not your fault? The Wanderer. Yes, it was... was the Wanderer. My days at the Rogue Citadel seemed so long ago. I sought refuge from my memories in the company of other outcasts high in the mountains past the Eastern Gate. Do you want something? Oh, I fought sleep for days at a time. For when I dreamt, the memories would return. Memories of the monastery and the evil which had claimed it. Dreams, memories. I couldn't tell the difference anymore. Had the evil from my dreams followed me at my heels? How had he found me? This broken shell of a man, barely able to carry the weight of his own sword, be the burning terror which drove me to hide here. La dernière fois, je vous ai dit à quel point j'aimais son grand frère, et vous pourriez croire que je me suis jeté sur celui-là, Day One. Et vous auriez tort. En réalité, ma découverte de Diablo 2 date de 2002. Mes parents, ma sœur et moi avons déménagé cet été-là. Et comme j'habitais plus loin, je suis peu sorti, j'ai très peu vu mes amis. J'ai donc passé cet été à explorer les souterrains de la désormais célèbre cathédrale de Tristram. Je connaissais par cœur les quêtes et mid-boss lors de ma rentrée en terminale. Ce qui ne m'aida pas franchement à ne pas redoubler, mais bon, je m'égare. Bref, après cet été partagé entre Diablo et Heroes of Might and Magic 3 au son de Sum 41, je retrouvais mes potes et découvrais les joies de l'internat. Ironie inside. Certains ont apprécié leurs années d'internat, ce n'est pas mon cas. J'ai vite fait l'acquisition d'un ordinateur portable et un ami m'a filé une version typiaque de Diablo 2 ainsi qu'une clé craquée. J'allais me lancer à nouveau dans ce monde qui m'avait happé tout l'été. Bon, déjà, il faut choisir un personnage parmi les 5 classes disponibles. L'Amazone, une sorte d'équivalent de la rogue du premier épisode, mais avec plus de possibilités tactiques. Le barbare, équivalent du guerrier. Tout dans la force, une magie axée sur les cris de guerre et une prédiction pour les armes à deux mains. L'ensorceleuse, équivalente du magicien. Utilisation dévastatrice de la magie, cette dernière étant une magie élémentale. Cela rend les choix, une fois encore, plus tactiques. Le paladin. Nouveau personnage à la croisée du barbare et de l'ensorceleuse, expert en épée et bouclier, et sa magie basée sur la foi lui offre de nombreux sorts défensifs ou même des possibilités de se soigner. Et enfin, mon favori, tout opus confondu, le nécromancien, sorte de croisement entre magicien et assassin. Il invoque des squelettes et autres créatures pour le soutenir au combat et use de poison pour attaquer ou d'ossements pour se défendre. Une fois notre vaillant héros choisi, l'histoire débute dans le royaume de Canduras, le même que Diablo 1, et prend d'ailleurs la suite quasi directe des événements clôturant le premier opus. Un peu comme si la donne du premier opus n'avait jamais existé. Comme si Blizzard l'avait renié. Ah oui, c'est vrai, c'est pour eux qu'ils l'ont fait, ils s'en tapent complètement de cet add-on. Grosso modo, notre quête sera de poursuivre le marcheur sombre et l'empêcher de libérer Diablo, Baal et Mephisto. Nous commençons dans le campement des rogues, d'où nous devrons aller délivrer Deckard Cain, retenu prisonnier dans Tristram. Après avoir battu Andariel, nous poursuivons notre route vers la ville de Ludgolain, près du désert où il nous faudra affronter Baal, seigneur de la destruction, et non pas des trous. Excusez-moi pour cette blague nulle. Ensuite, nous partons botter le cul de son frangin Mephisto, seigneur de la haine au plus profond de la ville de Curast, elle-même cachée au plus profond de la plus profonde des jungles. Juste après avoir parlé du trou de balle, ça me fait un peu bizarre de dire autant de fois le mot profond. Évidemment, le dernier acte nous emmènera droit en enfer pour combattre le vieux sagouin de Diablo et lui passer l'envie d'envahir le monde paisible de Sanctuaire. Pour ce faire, Diablo 2 dispose de certains ajouts très appréciables, comme les coffres dans les villes. Ces coffres fonctionnent un peu comme les coffres magiques du premier Resident Evil. On dépose notre stuff dedans et il nous suivra dans toutes les villes. Les environnements s'étant clairement étendus, des téléporteurs ont fait leur apparition près des entrées de chaque section. On peut également crafter notre stuff grâce à différentes pierres précieuses. Et enfin, notre cher avatar n'est plus manipulable à notre guise. En effet, à chaque passage de niveau, nos caractéristiques augmentent automatiquement et vous pouvez débloquer des compétences sur 3 arbres de compétences par classe, pour affiner un peu votre approche du jeu, en quelque sorte. Bon alors, et maintenant, la comparaison avec le grand frère. Eh bien, vous allez peut-être me trouver un peu chafouin, mais ce n'est pas bénéfique pour le second. Mais d'abord, le positif, eh bien, l'apport du coffre magique est très agréable et la direction artistique est vraiment belle. Ah oui, bon, il y a aussi le nécromancien, et ça, c'est bien. Et maintenant, bon, bah, les points négatifs, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Tout d'abord, ce qui saute aux yeux et qui me chagrine réellement, les putains d'environnements. Par ailleurs, très beaux, sont totalement ouverts. On se balade à l'air libre. Alors, non pas que cela soit désagréable, mais à mon goût, une des forces de l'ambiance de Diablo 1, c'est le côté extrêmement anxiogène qui se dégage de sa descente littérale en enfer. Il n'y a aucun échappatoire dans ces souterrains surpeuplés. En revanche, on peut fuir aisément dans les plaines de l'acte 1. Vraiment, le fait de se sentir vraiment entre quatre murs très ramassés, sans jamais voir la lumière du jour et vraiment de s'enfoncer de plus en plus dans les entrailles de la cathédrale vers les enfers, ça avait vraiment quelque chose d'anxiogène et de très, très anxiogène et de très claustrophobique en fait, qui vraiment nous plongeait dedans, alors que là, les environnements ouverts, ben, ils sont vraiment très beaux, mais ah, ça fait pas la même sensation, j'ai pas l'impression que d'être écrasé par un décor et de ne pas pouvoir fuir. J'ai vraiment l'impression d'avancer et de nettoyer. Et j'ai l'impression que mon personnage est plus grand que ce qu'il n'est réellement. Je sais pas comment exprimer ça. Par exemple, dans Diablo 1, on voit bien que le personnage est petit parce qu'il est serré dans les couloirs. Enfin, il est petit. Voilà, il est à l'étroit. Alors que là, c'est pas le cas. Bon, un autre truc qui me chagrine, c'est de ne pas upgrader les statistiques de mon personnage à ma guise. Ouais, on peut se tromper en faisant ça, mais Je sais pas, hein, on peut se tromper et faire un magicien qui pourrait faire de l'ombre à Stallone, par exemple, être complètement à côté de la plaque. Hein, c'est-à-dire qu'en termes de. Il pourrait pas utiliser les meilleures armes possibles et il aurait des magies pas terribles si on lui grade plus la force que la magie. Mais c'est ce que j'ai fait quasiment à chaque fois, du coup ça sert à rien d'ailleurs. Mais au moins je me dis que c'est. C'est con, hein, c'est comme quand on fait un truc moche, mais on se dit, mais au moins c'est moi qui l'ai fait, quoi. Alors que les armes de compétence. Ben, c'est classe, ok, c'est facile à comprendre, à utiliser, mais il n'y a pas ce petit goût du do it yourself. Et par exemple, pour ce qui est des utilisateurs de magie, un truc qui était sympa dans Diablo 1, c'est qu'on apprenait les sorts que l'on pouvait et que l'on voulait. Si certains sorts ne nous intéressaient pas, on les revendait. Alors que là, bon, on apprend les compétences qu'on a à apprendre et basta. Voilà, c'est mon avis très personnel, ceci dit, hein. En bref, je préfère le grand frère, même si je reconnais les qualités du second. En revanche, la donne du deuxième est bien meilleure que celui de son aîné. Non seulement il propose une évolution graphique très appréciable, on passe de 486 600 à 800 1200, je crois, ou 800 600, enfin bref, on passe à la gamme au-dessus, et vraiment c'est plus joli et ça se voit nettement. Mais il propose aussi un nouvel environnement et deux personnages. Nos charmants protagonistes sont l'assassin et le druide. Le gameplay d'assassin est évidemment basé sur la furtivité, le poison, c'est un croisement entre. J'en ai marre d'utiliser des croisements, on va le dire clairement, l'assassin c'est un ninja. Ne vous attendez pas à incarner un vieux type genre Panoramix pour ce qui est du druide. Oh non! Ici on est plus dans le viking qui peut se changer en ours, invoquer des loups, des corbeaux tout en distribuant des mandales à déraciner un chêne. Il a un gameplay que je trouve assez proche du nécromancien et évidemment ça fait de lui un de mes personnages favoris, tout Diablo confondu également. Quand j'ai le choix entre les deux, je préfère quand même le nécromancien pour le design des créatures. Et puis ben, j'ai été plus surpris évidemment du gameplay du nécromancien quand j'ai lancé Diablo 2 que du gameplay du druide quand j'ai relancé Diablo 2 après, puisque je l'avais déjà vu. Enfin bref. Alors par contre, le chapitre supplémentaire apporte une contradiction par rapport à l'histoire. Ok, l'histoire de la série Diablo, c'est pas un modèle de cohérence, mais grosso modo, ça peut se suivre. Là, il y a un petit souci avec ça, mais enfin bon. C'est rien de bien méchant. Et en plus, l'environnement barbare du mont Areat est très agréable et préfigure un petit peu Diablo 3. Et si vous voulez vous faire votre propre avis, hein, ce que je vous conseille très clairement, car beaucoup de gens vous diront que Diablo 2 c'est clairement le meilleur de la série, eh ben, on peut trouver l'édition Diablo 2 Gold, donc c'est-à-dire avec tous les niveaux, l'add-on, etc., etc., pour moins de 5 euros. Et il existe des patchs pour le rendre plus compatible avec nos attentes de 2020. Alors là, pour le coup. Je peux pas vous parler de ces patchs parce que je ne les ai jamais pratiqués. Moi j'aime bien jouer à Diablo tel quel, de toute façon j'ai un petit écran, donc honnêtement je vois pas l'intérêt de le mettre en HD. Bon, vous l'avez sans doute compris, Diablo 2 n'est pas mon préféré, bien qu'il soit très apprécié, et qu'il nous offre deux de mes personnages favoris. Enfin, j'insiste beaucoup sur les personnages favoris, mais vraiment, putain Blizzard, si par hasard vous m'écoutez, je suis super content que vous ayez remis le druide, et si vous pouviez incorporer aussi le nécromancien dans Diablo 4, ça me ferait foutrement plaisir. Mais attention, il faut bien se comprendre, Diablo 2, bien que pour moi en deçà du premier, reste un monument vidéoludique, surtout dans sa version Gold. Donc honnêtement, essayez-le. Enfin, essayez-le. Vous avez joué au 1, essayez le 2, et essayez. Enfin, ça reste un très bon jeu et je l'aime moins juste pour le côté. Je vais pas dire qu'il est plus sympathique et moins malsain parce que ça ferait réellement bizarre comme phrase. Mais c'est un petit peu ça quand même. Dans l'idée, Diablo 1 a un côté. On sent qu'on descend en enfer. On sent qu'on descend en enfer. Petit à petit, on s'enfonce de plus en plus sous les entrailles d'un seul lieu. On s'enfonce vraiment dans la terre. Et on finit par arriver en enfer et dans la folie. Alors que Diablo 2. Il n'y a pas vraiment ce côté folie, et même si ça termine également en enfer, hein, d'ailleurs je vais pas spoiler le Diablo 3, mais Diablo 3 se termine aussi en enfer, d'ailleurs tous les Diablos se terminent là, mais il manque quelque chose. L'enfer, c'est juste un niveau comme un autre dans Diablo 2, alors que dans Diablo 1, c'est vraiment la continuité du truc. Bref, voilà, j'ai assez comparé les deux, faites-vous votre avis. Ça, si vous avez 5 euros à dépenser, honnêtement, vous considérerez jamais que vous les avez gâchés en achetant Diablo 2. Voilà, donc on se revoit pour le prochain épisode dans 15 jours, où du coup on va parler de Diablo 3. Alors je vais essayer d'adopter un angle un petit peu différent, Parce qu'il faut bien voir que Diablo 3 a aussi été conçu pour ramener de nouveaux joueurs. C'est pas uniquement pour satisfaire les vieux briscards comme moi, ça a été aussi fait pour amener de nouveaux joueurs. Et ça serait intéressant de voir si des gens qui n'ont jamais joué à Diablo et très peu aux jeux vidéo pourraient s'intéresser et prendre facilement en main Diablo 3. Surtout dans la version PS3. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à lundi pour le nouveau point Dark Souls. Je devrais y battre normalement le dragon béant qui m'a posé tant de problèmes à l'épisode précédent. Et sans doute qu'après je vais farmer un petit peu et je vais peut-être commencer à partir un petit peu dans mes délires de théorie parce que quand j'ai farmé je me suis embêté et du coup j'ai vachement réfléchi au lore du jeu et j'ai peut-être des petites théories sympas à vous partager. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi. Donc on se dit à lundi pour le point Dark Souls et à dans 2 semaines pour Diablo 3. Salut à tous! He seemed to have demons of his own that he struggled to contain. And he was losing. I became convinced that I was truly bad. The terror, the destruction, the evil I witnessed, how else could I explain them? Were these the demons from my dream, or were they born within the Wanderer? Why did I follow him? I don't know. Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. And from that moment, we traveled together east. Always. Into the east.